Les nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marie. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world, les jeudis britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Découvrir en radio CKRL 89.1. Bonsoir et bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Encore une fois cette semaine, j'ai une sélection assez éclectique de musique gratuite que vous pouvez télécharger. Et oui, donc vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org, puis vous avez les liens vers un peu plus d'informations sur les artistes. Je parle pas beaucoup durant l'émission, donc vous pouvez vous documenter un peu plus en allant sur le site de l'émission. Puis ça vous permet aussi en même temps de pouvoir télécharger les pièces. Cette semaine, je vous présente une étiquette qui s'appelle Human Workshop, une étiquette vraiment intéressante, qui ont beaucoup de matériel, puis fait assez cocasse, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mal identifié leur MP3, donc c'est un petit peu difficile de retrouver les pièces, donc ils ont décidé de faire une grosse compilation de tout leur matériel. Il y a presque 2 gigs, je pense, de matériel, donc on peut tout télécharger du même coup. Ça vaut vraiment la peine grâce à leur petite erreur. Donc on va débuter avec une pièce, c'est un remix de la trame sonore du dessin animé japonais Akira. C'est fait par Laser B, un artiste des Pays-Bas. Donc, la trame sonore qui était originalement par le collectif Geno Yamashi Rogumi. Donc, une trame sonore vraiment intéressante pour le film Akira. Je vous fais passer la pièce qui s'appelle Battle vs. Clown. Donc, un remix de la trame sonore d'Akira. アキラって絶対のエネルギーなんだって。絶対のエネルギー？人間ってさ、一生の間にいろんなことするでしょ？何かを発見したり、作ったり。 その前は爬虫類や魚、そのもっと前はプランクトンとかアメーバとか、そんな生物の中にもすごいエネルギーがあるってことでしょ。 それは遺伝子の変化。 その前は水や空気にも遺伝子あるのかしら。宇宙の塵だってそうでしょ。もしあるとしたらどんな記憶を秘めてるのかしら。宇宙の始まりの、そのもっと前の。 おいおいおい、どうしちまったんだよ。大丈夫か。さっきので頭でも打ったんじゃねえだろうな。 誰でもそんな記憶を持ってるのかもしれないわね。もし何かの間違いで順番が来るって、そんなアメーバみたいなものが人間みたいな力を持つ。 それがアキラってわけか。 アメーバは家や橋を作ってはくれないわ。ただ自分の周りの餌を食い尽くすだけ。 鉄道のことか。あいつがそんなエネルギーを持ったっていうのか。 昔その力をコントロールしようとした人たちがいたの。政府の要請を受けてね。それが失敗してあの東京崩壊が起こった。 あの力は私たちにはまだ。 なんだ。 Comme moi, je suis sûr que vous avez compris absolument tout ce qui se disait, c'était en japonais. Donc, c'est un remix de la trame sonore de l'excellent dessin animé japonais Akira. C'était par Leisure Bee, c'est sur l'étiquette Human Workshop. Human Workshop, c'est une étiquette assez intéressante. C'est un collectif d'artistes qui font principalement de la publicité, de la musique pour le cinéma aussi. Ils font toutes sortes de trucs. Donc, ils sont trois membres du collectif. Je vais vous faire passer cette fois-ci Basic. C'est le pseudonyme de Dan Hendrix des Pays-Bas. Donc, je vous fais passer sa pièce Dinky Toy, puis sous son vrai nom, une autre pièce qui s'appelle Mollusque. C'est par Dan Hendrix. Je vous fais passer ça tout de suite à Web Music. C'était assez bon comme pièce. C'était Mollusque, la pièce Mollusque par Dan Hendrix, qui évolue sous le pseudonyme de Basic. Avant ça, c'était une pièce par Basic, la pièce Dinky Toy, un artiste qui nous vient des Pays-Bas. Toujours sur l'étiquette Human Workshop, je vous présente l'artiste qui s'appelle Remus, qui participe au collectif de Human Workshop. Je vous fais entendre sa pièce Deep Frost. Puis ensuite, on va entendre B-Film, sa pièce Excerpt Ambience. Donc, encore un peu d'ambiance cinématique pour vous à Web Music. We'll be right back.

De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui est entre vos deux oreilles. Avant la pause, on entendait deux artistes sur l'étiquette Human Workshop. Tout juste avant la pause, c'était B-Film avec sa pièce Excerpt Ambience, puis c'était précédé par Remus avec sa pièce Deep Frost. On va se déplacer de Human Workshop vers une autre étiquette intéressante qui s'appelle Ideology. Je crois que ça vient de l'Allemagne, il faudrait que je vérifie. Je vais vous faire passer une pièce par Cubism, sa pièce s'appelle Air You Go. Ensuite de ça, c'est un drôle de mélange, un peu de dub avec du sitar, donc on n'aurait pas cru, mais ça va très bien ensemble. Donc je vous fais entendre l'artiste Dub One, sa pièce Sitar Sensi. Dub One qui nous vient de Berlin en Allemagne. Pour tout de suite, Cubism, Air You Go. Thank you. Je ne l'ai pas. Ça, c'est bien. Tout juste d'entendre Dub One avec sa pièce Sitar Sensi, donc un peu de dub et de sitar, un beau mélange. Avant ça, c'était Cubism avec sa pièce Here You Go. C'est sur l'étiquette Ideology, une étiquette allemande. On poursuit l'émission Web Music avec un Australien cette fois-ci qui n'est pas sur aucune étiquette. C'est autoproduit dans son sous-sol, si on veut. Donc, il s'agit de Run Man. Je vous fais entendre sa pièce « If You Go Away ». Puis ensuite de ça, on va entendre une pièce de Domenico qui est sur l'étiquette « Dusted Wax Kingdom ». Je vous fais entendre sa pièce « Tony Montana Is Not Dead ». Pour tout de suite, Run Man. This was meant for your listening pleasure while you are being done in... Just to understand this, so you can kill it.

Sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, c'était Domenico avec sa pièce Tony Montana is not dead. Avant ça, ben, c'était un artiste autoproduit qui nous vient de l'Australie. Il s'agit de Ron Mann. Je vous ai fait passer sa pièce If You Go Away. Pour la dernière pièce de l'émission, ben, on va s'éloigner un peu des ambiances cinématiques. Je vous fais passer une pièce un peu techno-minimale, si on veut. C'est sur l'étiquette Tony Music, une excellente étiquette donc italienne. L'artiste s'appelle Sammy. Je vous fais passer sa pièce Paso Punk. Donc, vous écoutez Web Music sur les ondes de CKRL 89,1. Thank you. C'était Samy avec sa pièce Paso Punk. Samy qui nous vient de l'Italie, c'était sur l'étiquette Tony Music. Donc, c'est tout pour l'émission Web Musique. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Puis, vous pouvez même télécharger l'émission. L'émission est disponible en balado-diffusion depuis le mois d'avril. Donc, pour ça, vous vous rendez sur le site principal qui est au www.webmusique.org. Vous avez toutes les ressources qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Vous pouvez aussi suivre l'émission sur Twitter si ça vous intéresse. Ça vous donne comme une passe un peu backstage à l'émission. Vous voyez un peu les dessous de ce qui se passe durant la semaine. Puis, ben c'est ça. Vous pouvez aussi, en rapport à la balado-diffusion, vous inscrire avec votre logiciel iTunes pour rendre ça un peu plus facile, pour télécharger les pièces automatiquement. Pour cette semaine, ben, je vous invite, il y a un party de lancement pour le Ubuntu version 8.1. ou 8.10 si vous voulez, qui s'appelle Intrepid Ibex. C'est la dernière version du système d'opération, ou plutôt la distribution de Linux qui s'appelle Ubuntu. Ça se passe au Zone Orange, c'est à 18h le jeudi 30 octobre, Zone Orange qui est sur Saint-Vallier. Donc venez donc faire un tour pour découvrir un peu qu'est-ce que c'est que Ubuntu. Puis c'est ça, je vous invite, venez faire un petit tour. Ça va être l'émission Jazzimus actuelle qui suit avec Jason Vlasak. Moi, je vous souhaite une bonne nuit, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h. Bonne nuit. Message aux décideurs en entreprise. Vous souhaitez améliorer vos procédés industriels? Renseignez-vous sur nos mesures d'efficacité énergétique concernant l'éclairage, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la compression. Réaliser des économies d'énergie tout en profitant d'un appui financier, c'est plus qu'une bonne affaire. Pour en savoir davantage sur le programme Système industriel, rendez-vous sur hydroquebec.com/affaires. Un choix d'affaires rentable et responsable. Un message d'Hydro-Québec. Vous aimez le jazz? CKRL est présentement à la recherche de plusieurs producteurs-animateurs pour présenter Cool Jazz en semaine sur leur ligne. Nous recherchons des animateurs bénévoles avec ou sans expérience passionnés de la radio. Vous êtes intéressé? Appelez notre charmante directrice de la programmation, Marjorie Champagne, au 640-2575, poste 203, ou en ligne à programmation@ckrl.qc.ca. Ceci n'est pas un bulletin de nouvelles, c'est Mise à jour, animé par José Arsenault à Vox. Un rendez-vous d'information en direct de Québec qui présente la nouvelle sous un angle constructif. Un regard différent, inattendu, aiguisé et impartial. En compagnie d'Antoine Robitaille, Marc Nadeau, Richard Thérien, Carlo Alberton et des correspondants web, José Arsenault anime un magazine moderne, interactif, plus près de vous. Mise à jour, du mardi au vendredi 17h à Vox, Câble 9, une exclusivité de Vidéotron. Vox, ça fait du bien de se voir. Interrupt this record to bring you a special bulletin. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes.